Chapitre 25e. L'entretien de Wolfgang et du forçat libéré se prolongea. La fin de l'histoire de notre martyr du dévouement fraternel était logique et son caractère d'une naïveté sublime. Persistant dans son refus de répondre aux interrogatoires du magistrat, M. du Bousquet parut devant les jurés. M. de Francheville, son accusateur de la veille, comptait parmi eux. Les débats durèrent à peine une demi-heure. Le prévenu allait au-devant de toutes les questions par ses aveux impatients, brusques et empreints d'une sorte d'amertume. Le malheureux avait hâte d'en finir. Il souffrait horriblement d'être exposé au regard de juges et du public comme un malfaiteur. Oui, par suite de cette disposition de son caractère qui rendait son sacrifice doublement héroïque, M. du Bousquet éprouvait une honte, une humiliation dévorante dès qu'il se trouvait en contact avec les hommes. Il ne retrouvait le calme et l'apaisement que lorsqu'il était, disait-il, seul avec sa conscience. La brusquerie des réponses de l'accusé durant son procès, la crudité de ses aveux, que ne tempérait pas même l'apparence du repentir, passèrent et durent passer, aux yeux des jurés, pour le comble de l'endurcissement et du cynisme. Ce n'est pas tout. Depuis son entretien avec M. Borel, présent à l'audience comme témoin, M. du Bousquet était obsédé de la crainte que l'on ne soupçonnât son frère, car il était en effet difficile de se rendre compte de ce fait presque inexplicable, à savoir que le prévenu de cette tentative de vol et de meurtre possédait quelque fortune et avait mené jusqu'alors une conduite honorable. Certifié par les chefs de l'administration où il remplissait un emploi, lesquels, interrogés sur la moralité de M. du Bousquet, déposèrent en sa faveur. Ce dont il se désolait, quoiqu'il ressentît atrocement la honte, d'être assis sur la sellette des criminels, mais en vertu de la logique de son dévouement, tout ce qui tendait à l'innocenté pouvait devenir redoutable à son frère. L'accusé, ayant refusé de choisir un avocat, on lui nomma un défenseur d'office. Celui-ci, en présence des aveux réitérés de son client, qui rendait la défense impossible, commença de la sorte sa plaidoirie. Messieurs les jurés, l'accusé, en avouant avec une si surprenante et si incroyable opiniâtreté les faits dont il est prévenu, me ferait, par la persistance même de ses aveux inouïs, presque douter de sa culpabilité, surtout si je songe à sa vie si longtemps irréprochable. Mais malheureusement, les faits existent, une tentative d'effraction a été commise, le sang a coulé, soit. Et cependant, l'accusé, malgré ses aveux, l'accusé est-il bien réellement l'auteur de ces faits ? Examinons. À ces mots qui exprimaient un doute sur sa culpabilité, M. du Bousquet fut saisi d'épouvante. Son défenseur était sur la voie de la vérité. « Je crus mon pauvre frère perdu, » dit à ce sujet le repris de justice à Wolfgang. « Heureusement, le ciel m'inspira. » Et interrompant l'avocat avec une ironie féroce, dont je me croyais bien incapable, mon Dieu, je dis froidement, en m'adressant au garçon de caisse, cité comme témoin, à peine convalescent, la tête encore enveloppée de bandages et assis non loin de mon banc, réponds donc à l'avocat, qui demande si je suis le meurtrier. Tu m'as vu entre tes deux yeux, toi, gredin, qui m'empêchais de faire un si bon coup. L'effroyable cynisme de ces paroles, cette insulte de l'accusé à sa victime, soulevèrent l'horreur de l'auditoire et du tribunal. Des imprécations menaçantes s'élevèrent contre M. du Bousquet du sein de la foule. « Malheureux !» s'écriait le président du tribunal. « Vous osez encore outrager celui que vous avez assassiné ?»« Sans lui, je mettais la main sur une centaine de mille francs et je ne serais pas ici, » répondit M. du Bousquet avec un sang-froid effrayant. « Ce gueux-là m'a fait perdre le fruit de mes combinaisons. Je m'étais logé à proximité de la maison du banquier afin d'être à portée de m'introduire chez lui et de forcer sa caisse. » Je n'ai que 3 misérables 1000 livres de rente et j'en voulais avoir 10 000, chiffre rond. Quelques paquets de billets de banque réalisaient mes vœux, et le vol fait, personne au monde ne me soupçonnait. J'étais couvert par mes honorables antécédents. Cette canaille de garçon de caisse est donc la cause que j'ai manqué de m'enrichir une bonne fois et que je suis ici. Et vous voulez, messieurs, que je regrette de l'avoir assommé? Allons donc, vous voulez rire, et vous ne connaissez pas le cœur humain. J'ai d'abord refusé de répondre, afin de voir quelle tournure prendrait l'affaire. J'espérais pouvoir tout nier, mais en homme de bon sens, j'ai reconnu que c'était impossible en présence des faits, et j'ai tout avoué, Mon parti est pris, le bagne m'attend. J'irai au bagne, d'où je compte bien m'évader. Mais puisque j'ai tout avoué, jour de Dieu, finissons-en. Car depuis les juges jusqu'à mon avocat, personne n'est amusant ici. Je vous l'apprends si vous l'ignorez. » Cette réponse odieuse était fort habilement calculée, car en montrant l'accusé cupide, dissimulé, méditant de longue main sa criminelle tentative à l'abri de la bonne renommée dont il jouissait, ses antécédents honorables tournaient contre lui, et le cynisme de ses aveux, ainsi motivés, éteignait tout sentiment de pitié pour lui et redoublait l'aversion qu'il inspirait. Cette réponse réussit au gré des vœux de M. du Bousquet, et son avocat indigné quitta l'audience, convaincu dès lors d'une scélératesse dont il avait pu douter un instant. En vérité, l'esprit reste confondu lorsque l'on réfléchit que cette réponse, digne d'un criminel endurci, avait pu être improvisée par cet homme dont la timidité naïve égalait la bonté angélique et qui ressentait si cruellement le mépris et l'horreur de ceux qui le croyaient un criminel. Cette contradiction semblerait incroyable si l'on ne savait quel prodige peut enfanter le dévouement. Lorsque le lendemain je lus dans le journal les paroles que j'avais prononcées en interrompant mon avocat, dit à Wolfram, le forçat libéré avec sa touchante ingénuité, je pouvais à peine en croire mes yeux. Il me fallut longtemps interroger ma mémoire pour me persuader que j'avais réellement répondu de pareille scélératesse. Mais je parlais sous le coup de mon épouvante de voir soupçonner ou accuser mon frère. La présence de M. Borel, qui ne me quittait pas des yeux et qui savait mon secret, redoublait ma terreur. Cette surexcitation m'aura sans doute donné de l'aplomb, de l'imagination, et j'aurais dit précisément ce qu'il fallait dire pour paraître un grand criminel. Je n'aurais jamais, au grand jamais, imaginé de sang-froid une telle réponse. Il paraît que j'étais vraiment effrayant. À ce que rapportait le journal, c'est bien possible, puisque lorsque je ne me suis plus entendu parler, car par une singulière hallucination de mon esprit, il me semblait, en répondant ainsi, entendre une autre voix que la mienne. Le public a redoublé ses imprécations contre moi, tandis que le tribunal et les jurés me regardaient avec horreur. Il va de soi que l'accusé, en raison de son abominable cynisme, fut condamné au maximum de la peine, aux travaux forcés, à perpétuité. Dirigé sur le bagne de Brest, il y arriva mourant, n'ayant pu résister à la réaction physique de tant de secousses morales, et étant d'ailleurs d'une assez chétive santé. Sa guérison achevée, il revêtit la casaque rouge et coiffa le bonnet vert, signe distinctif des condamnés à perpétuité. Il fut accouplé à la même chaîne qu'un robuste forçat nommé Landry, voleur et assassin, aux mains domptables et féroces, l'effroi de la chiourme. La douceur angélique de M. du Bousquet apprivoisa ce monstre. Un mot à ce sujet. Nous l'avons dit ailleurs et souvent, à l'appui de notre foi religieuse dans la bonté native de l'homme, nous n'admettons point la tâche originelle. Les plus grands scélérats, toujours poussés au crime par l'ignorance, par la misère, par l'abandon, par le mauvais exemple, par la subversion de leurs forces passionnelles, ou enfin par certains vices constitutifs de l'état social, les plus grands scélérats ne sont pas scélérats tout d'une pièce, et presque toujours, ils sont encore accessibles à de bons sentiments. La fièvre du crime n'est qu'un phénomène normal de l'âme, de même que la fièvre proprement dite est un phénomène dans l'état normal du corps. Les accès de l'une comme ceux de l'autre peuvent non seulement se guérir, mais se prévenir, de même que les gens soumis dès l'enfance à une hygiène sévère, salubre et prévoyante acquièrent une complexion saine, robuste et sont rarement malades. L'accès du mal moral, de même que le mal physique, est passager. C'est une perturbation momentanée des notions du juste et de l'injuste. Mais bientôt, ces éternels et divins principes reprennent leur équilibre dans les âmes les plus endurcies. Chez elles, le mal n'est jamais la condition normale, elle est accidentelle. Leur accès de crime passé, le voleur et l'assassin redeviennent, ainsi que l'on dit, des hommes comme les autres, ayant conscience du bien et du mal, accessibles aux sentiments généreux, jusqu'au moment où leur raison, troublée par un nouvel accès, les pousse à un nouveau méfait. Après quoi ils retombent dans la loi commune de l'humanité. Ils ne sont, pendant les 5/6 de leur vie, ni pires ni meilleurs que le commun des hommes, et ils ont alors souvenir et repentance de leurs méfaits, puisque, nous le répétons, ils ont, qu'ils le veuillent ou non, conscience du juste et de l'injuste. C'est une erreur ridicule que de croire que le voleur et l'assassin vivent constamment sous l'empire de cette pensée. Je fais bien de voler et de tuer. Cela n'est pas vrai. Ils ont parfaitement conscience que le vol et le meurtre sont des forfaits condamnables et punissables. Donc, nous avons dit comment, et nous venons de tenter d'expliquer pourquoi la douceur angélique de Du Bousquet apprivoisait son compagnon de chaîne, le forçat Landry, homme d'une force herculéenne, et la terreur du bagne. Les coups de bâton, les doubles fers, le cachot étaient impuissants à dompter cette nature rebelle à la force. Mais quelques paroles bienveillantes, un touchant appel au sentiment généreux, céleste trésor, toujours enfoui, souvent à leur insu, au fond de l'âme des plus pervers, et aussitôt s'accomplissait le miracle opéré par M. Du Bousquet. Sa bonté, sa résignation, son courage à supporter les rudes labeurs, malgré sa faiblesse, intéressèrent à lui Landry, son compagnon de chaîne. Seulement il ne pouvait concevoir comment Du Bousquet, si timide, si affectueux, avait eu jamais l'énergie du crime et lui répétait sans cesse « Comment, toi, toi, tu as volé, tu as assassiné ?»« Il faut bien que ce soit, » répondait Du Bousquet, « puisque je suis ici. »« Tu as assassiné, toi, si bonasse, si maigrelot ?» reprenait l'Hercule à bon évers. « C'est étonnant. Tout le monde s'en mêle donc. »« Quoi d'étonnant ?» répliquait Du Bousquet. « Vous vous mêlez bien, vous, d'être bon pour moi, en m'épargnant le plus de fatigue que vous pouvez quand nous allons aux travaux de force. »« C'est tout simple, tu es faible, je suis robuste, ça ne me coûte rien de te soulager. »« Et puis vous êtes bon. » »« je suis bon quand je n'ai pas autre chose à faire. »« Je suis bon quand je n'ai pas intérêt à être méchant, tonnerre de Dieu. » »« Ne vous fâchez point, Landry, c'est justement là ce que je voulais dire. »« Oui, l'occasion fait le larron, n'est-ce pas ?»« C'est malin. Et puis après ?»« Donc, sans occasion, il n'y aurait pas de larron. » « T'es fin comme Gribouille, toi. Parbleu, si je n'avais pas eu de pipe, on ne m'aurait pas volé la mienne hier, un brûle-gueule que je culottais depuis 6 mois. Ah, si je le connaissais, le brigand !»« Le fait est qu'un pareil vol, c'est indigne, » disait Du Bousquet, « car enfin, ce qui est à nous n'est point aux autres, pas vrai, Landry ?»« Je crois bien. Ma pipe est à moi, nom d'un nom. Et si je connaissais le brigand ?»« Donc, dérobé à autrui, est vilain, fort vilain. » C'est ce que je me dis parfois quand je pense au vol que j'ai commis. Et vous, Landry ? Minute, je ne parle que de ma pipe. Je le veux bien, parlons de votre pipe. C'est probablement pendant la nuit qu'on vous l'a volée. Pour sûr, le triple gueux. Supposons qu'éveillé en sursaut par le voleur, au moment où il vous larronnait votre pipe, vous ayez voulu la reprendre et qu'il vous ait tué d'un coup de couteau. Qu'est-ce que vous penseriez de ça, vous, Landry ? Je penserais que ce serait un fier scélérat. M'assassiner parce que je défends ma pipe, une pipe culottée. Croyez-vous que cet assassin-là, en admettant même que personne ne sût qu'il aurait fait le coup, fumerait toujours sans remords dans une pipe qu'il n'aurait pu posséder qu'en vous tuant? S'il n'avait pas de remords, mon brûle-gueule devrait la lui brûler pour de bon la gueule à ce brigand-là, si le bon Dieu était juste. Oui, car si je m'étais volé à moi-même une pipe si bien culottée, je ne me le pardonnerais jamais, je me le reprocherais toute ma vie. Eh bien voyons, est-ce que vous croyez que ceux que nous avons tués ou voulu tuer pour leur voler leur argent, et cet argent était à eux aussi bien que votre pipe était à vous, n'est-ce pas, Landry ? Dame, est-ce que vous croyez qu'en parlant de nous, ceux-là n'ont point aussi le droit de s'écrier comme vous ? Brigands, s'ils n'ont pas de remords, l'argent qu'ils m'ont volé en m'assassinant leur brûlerait les mains, si le bon Dieu était juste, hein, Landry ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Enfin, est-ce vrai ? Est-ce que je sais, moi ? Oh que si, vous le savez bien que c'est vrai. Tiens, fiche-moi la paix, tu m'embêtes à la fin avec tes raisons. Tu m'écœures, m'avait répondu Landry, après un moment de sombre silence, disait Du Bousquet à Wolfram en lui racontant cette scène. J'étais tout joyeux. Ce malheureux distinguait toujours le bien du mal. Il avait éprouvé des remords, ou bien je les réveillais en lui, mais il ne les avouait pas par mauvaise honte, par fanfaronnade. Je vous dis cela, monsieur Wolfram, parce qu'il me semble qu'il y a toujours du bon chez les plus méchants. La bonté, l'amitié de Landry à mon égard, ne se sont jamais démenties pendant 15 mois que nous avons été accouplés à la même chaîne. Et lorsqu'on nous a séparés pour m'employer dans les bureaux en qualité d'écrivain, Landry, cet homme de fer, a pleuré comme un enfant. Il m'affectionnait environ comme le tigre du jardin des plantes, qui aimait tant ce petit chien blanc qu'on avait mis dans sa cage. Du reste, 6 semaines après que l'on nous eut désaccouplés, Landry s'échappa de la chiourme, je ne l'ai pas revu. Du Bousquet, employé dans les bureaux du commissaire de la marine chargé de l'administration du bagne de Brest, se trouva d'un côté beaucoup plus heureux qu'à la chaîne, en cela qu'il s'occupait d'un travail de bureau, et que sa douceur, son zèle laborieux, la parfaite régularité de sa conduite, lui méritèrent bientôt l'intérêt des commis supérieurs. Mais, par cela même qu'il se trouvait ainsi de nouveau en contact avec d'honnêtes gens, il ressentit de réchef la poignante amertume de la honte, souffrance pour lui la plus cruelle de toutes, et il lui était du moins épargné, lorsqu'il vivait à la chaîne au milieu des forçats, cela n'éprouvait pour lui ni mépris ni aversion. Chaque année, le commissaire du bagne envoie au ministre des notes sur la conduite des forçats. Celle de M. du Bousquet fut tellement irréprochable qu'au bout de 5 ans, on le porta sur le tableau des condamnés qui méritaient d'obtenir d'abord une réduction dans la durée de leur peine et plus tard une grâce entière si leur conduite était toujours satisfaisante. Ainsi la peine de du Bousquet, d'abord commuée de la perpétuité à 15 ans, lui fut complètement remise au bout de 11 années de séjour au bagne de Brest. 6 mois avant sa libération, du Bousquet, ainsi qu'il le dit naïvement à Wolfgang, fit connaissance avec Bonhomme. Ses premiers rapports furent tragiques. Bonhomme venait de voir le jour, et un domestique du commissaire de la marine, à qui appartenait la mère du nouveau-né, allait simplement le jeter à l'eau. Du Bousquet demanda en grâce la permission d'élever le chien. Il eut la patience de le nourrir au biberon, et Bonhomme grandit, sinon en beauté, du moins en intelligence et en attachement pour son maître. Depuis notre sortie du bagne, cette pauvre bête et moi, nous ne nous sommes jamais quittés, dit le forçat libéré à Wolfgang en achevant son récit. Il a été le seul confident de mes peines et aussi de mes petits bonheurs, car je vous le répète, monsieur Wolfgang, et vous me croirez maintenant que ma vie entière vous est connue, mes bons moments sont ceux que je passe seul avec ma conscience et avec mon chien. Aussi je vais le rendre fièrement heureux, en lui apprenant que vous nous gardez comme locataire, quoique nous ayons été tous les deux au bagne. » Monsieur du Bousquet prononçait ces mots lorsque la sonnette extérieure de l'appartement retentit bruyamment, tintement auquel succédèrent 2 aboiements du chien jusqu'alors couché en dehors de la porte du salon. « Qui peut sonner si fort ?» dit du Bousquet, se levant surpris et s'adressant à Wolfgang. « Vous permettez, monsieur, que j'aille voir ce que c'est ?»« Je vous en prie, ne vous gênez pas. » « J'ai 2 mots encore à vous dire. » Le forçat libéré sortit, et répondant aux caresses de son chien, il lui dit d'une voix triomphante de bonheur, « Nous restons ici, mon pauvre bonhomme. »« Mon Dieu, oui, nous restons. Ah, c'est toute une histoire. Bah, je te conterai ça ce soir. » Ce disant, du Bousquet étant allé ouvrir la porte qui donnait sur le palier, se trouva en présence de Toinette du Bousquet, servante de M. de Saint-Prosper, fondateur de l'œuvre d'alimentation pour la première enfance.